tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. On n'a pas d'avenir pour vivre le pire. J'ai peinture mes petits sur le droit chemin vers l'envolée de ma réussite. Les valeurs se posent, posent, mais personne n'écoute. Tous les principes sont là sur un cestier trop blessant que personne n'écoute. Je vais remettre l'art dans les têtes des âmes perdues. Les starfuckers veulent juste brasser ton jus en train de la monnaie ta pièce. Ça ouvre les bûches dans les plus beaux jours après les temps de tonnerre. Ça n'ouvre plus que ton compte en banque. Un monde de fou que je dévoile à travers mes écrits. La vie et l'amour sont égales car elles peuvent rendre avec plus qu'un non-voyant. Seuls les lance pas parce qu'on s'en aveu. L'argent fait de l'être humain un monstre qui se prend pour Dieu. Trop tire la vie en croyant que c'est un jeu. Seul toi tiens les manettes de ta vie. En enjeu tu trouveras pas le code vie. Y'a pas d'immunité face à la mort. Demande à Bouna et Siette. Si tu décrois que je déclare le tort du vrai. Parti trop tôt, RIP les frères, reposez en paix. On a versé des larmes plus qu'on a souri. Le temps passe tellement vite qu'on fera que tout rire. Charbonner jusqu'à pourrir pour des pouilleux qu'avant la loi son sens pour nous couiller. Tant que les valeurs sont là, Marine, je la dépouillerai. Car un voleur se fait voler et qu'un couilleur sera toujours couillé. Et n'a deux S numéro 1, favela, CLVS, emblématico. Bienvenue au cœur du risque, amigo. On marche par valeur, principe et bon sens. Ambition disconscient, réussir en ayant peu de chance. En ayant peu de chance, malgré des coups durs. Même si la vie est rude, je lâcherai pas mon but. On marche par valeur, principe et bon sens. Ambition disconscient, réussir en ayant peu de chance. J'ai décis malgré des coups durs. Même si la vie est rude, je lâcherai pas mon but. J'percute le sang sans couper l'hypercute. Ma rime charcute ton art, assez sans valeur sûre. À la minute, pas besoin de Jiminy. Sur un couplet pour te mettre la nique. Emblématique, chic, toujours au charbonnage. Pas le temps pour les clashs, la gaminerie. J'ai passé l'âge, après 6 heures du match. J'ai passé l'heure, je passe aux choses sérieuses. Et toi tu crois que je suis lâche. J'ai tellement de gourmands, ça s'abonne au McDo. Les chives et la vie de Shadow. Se font tellement de films, pourraient devenir productrice. Se respecte plus, pourraient devenir actrice. Pour Marc Dorcel, recalé pour motif. Elle faut aider des aisselles. Ça fait la meuf bien, mais quand t'approfondis ou plus souvent, on tapé par la crasse. Plus de la chatte, ne t'en sers pas de passage. Ou l'odeur va te faire trépasser. Une bitch restera une bitch, car sur quel train n'est-elle pas passée. Fais un tracé sec sans t'arrêter, mais ne crois pas que le bif est à la clé. Je m'appelle Ena de Zéchard Public, je débarque la vérité. On marche par valeur, principe et bon sens. Ambitionniste conscient, réussir en ayant peu de chance. En ayant peu de chance, malgré des coups durs. Même si la vie est dure, je lâcherai pas mon but. On marche par valeur, principe et bon sens. Ambitionniste conscient, réussir en ayant peu de chance. Je décise malgré des coups durs. Même si la vie est rude, je lâcherai pas mon but. Je lâcherai pas mon but. Tout marche par valeur, principe et bon sens. Mais ça se fait rare de